Après chaque amour vaincu, il en est une survivance. Celle d'un goût, d'une odeur, d'un regard, morceau d'existence. L'amour, c'est comme une fleur, des bourgeons pleins de cœur. Ça s'épanouit pour une heure, puis ça se fane par erreur. L'amour se brandit en drapeau, il nous ment à nous voir plus beau. Il vous accorde le don du partage, il s'accorde à naître pour tout âge. L'amour, ça vous laisse des souvenirs, que ce soit des bons ou des pires. D'ailleurs, qui pourrait s'en passer? Peut-être bien, monsieur le curé. On aime jamais trop. Au pire, on aime mal. On veut y croire pour toute la vie. Mais une vie, c'est quoi? C'est combien? Est-ce le temps d'un oubli ou celle d'une vie de chien? Pour lui, on est tout, on est rien. On l'imagine encore pour demain. Pour lui, on s'accroche à soleil. Encore une fois, on s'émerveille. Mais l'amour, ce n'est jamais rien. C'est au moins un peu de chagrin. Parfois c'est plus et c'est très bien. Et puis d'ailleurs, ça t'appartient. Alors, ne fût-ce que pour un, j'aurais bien donné mes yeux. Car des yeux, j'en ai deux. Et l'amour, c'est pas rien.